Pierre de Lyon, Jean-Éric Sindé, le monde de la musique à Lyon. Restaurant Kongosa, c'est le président Gassa Allemand, la référence, et qu'on le sait bien sûr. Comment tu fais afin que je t'aime comme ça, à ce rire, oh, Sophie, tu me prends la tête. Entre mille et une femme, c'est toi que j'ai choisi. Ne me laisse pas tomber, aie pitié de mon amour pour toi, Sophie. Encre de mes yeux, à Sophie, oh, le sang qui coule dans mes veines, Sophie. Encre de mes yeux, à Sophie, oh, le sang qui coule dans mes Ibala epanga muna loba, muna musango muna bamba. Temo boni no nambana tonde wana ah. Ulema mumende no bembale musungwe yamba di umiye. Ah, Sophie, oh, nyumba Sophie de mon cœur. Sente babu anga sumi no semba mowe. Ah, Sophie, oh, Sophie, oh, sonyo sende babu anga sumi no semba mowe. Pero Bye.